échafaud combattit n'a pas d'écho plus sourd. Mon esprit est pareil à la tour qui succombe sous les coups du bélier infatigable et lourd.